Moi, je dirais subir la douche pour l'avoir installé. Regardons avec confiance dans l'avenir. Ramón Mercader, l'espion soviétique qui, en 1940 à Mexico, a accompli l'un des plus spectaculaires assassinats politiques du XXe siècle. Armé d'un pic à glace, il a frappé et tué le pire ennemi de Staline, Léon Trotsky, un des héros de la Révolution d'octobre. Le 20 août 1940, à Coyoacán, dans les faubourgs de Mexico, un garçon de 14 ans rentre en fin d'après-midi de l'école. Il s'appelle Sieva. Petit-fils de Trotsky, il partage l'exil mexicain de son grand-père. C'était au mois d'août, une chaude après-midi d'été de Mexico. Oui, j'avais 14 ans, je revenais vers 4 heures, tranquillement. Et tout d'un coup, quand j'étais à 2-3 coins de la maison, j'ai senti une angoisse. Quelque chose d'étrange avait passé. Je voyais des gens, des voitures arrêtées. C'était pas normal, c'était pas usuel. Alors j'ai accéléré mon pas et je suis rentré dans la maison qui était ouverte et j'ai trouvé un gardien tout à fait bouleversé, un Américain. J'ai demandé qu'est-ce qui arrive ? Jackson, c'est tout ce qu'il m'a répondu. Et j'ai continué sans comprendre très bien ce qui était arrivé. Quand je suis rentré dans la bibliothèque, alors oui, je prends pas la porte entrouverte, j'ai vu mon grand-père qui était allongé par terre. Alors j'ai compris que cette fois-là, la KPO avait réussi à assassiner. Ils avaient failli quelques mois avant, mais cette fois, on n'avait pas eu la chance du premier attentat. Et oui, après une tentative manquée 3 mois plus tôt, cette fois, la KPO, la féroce police secrète de Staline, l'ancêtre du KGB, a eu raison de celui que depuis plus de 10 ans, elle persécute et pourchasse sans relâche. Avec des moyens illimités et un réseau d'agents dans le monde entier, la GPU n'a pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres et traverser les océans pour tuer Léon Trotsky. L'assassin qui vient d'être arrêté s'appelle Frank Jackson. Pour tout le monde à Coyoacán, cet habitué depuis des mois de la demeure de Trotsky est un riche négociant en import-export de nationalité canadienne. Un homme timide et tellement charmant. Mais qui est-il vraiment ? Qui êtes-vous ? D'où viennent vos ordres ? Quels étaient vos mobiles ? Interrogé, jugé, emprisonné pendant 20 ans, cet espion soviétique formé à rude école ne révélera jamais sa véritable identité ni celle de ses commanditaires. Il faudra attendre 1953 pour que la police mexicaine découvre que Frank Jackson en réalité est espagnol et que son vrai nom est Ramón Mercader, envoyé au Mexique par les services secrets de Staline. Pour comprendre la folle détermination de Staline à éliminer son rival et comment Ramón Mercader a été embarqué dans cette aventure, il faut remonter des années en arrière, au temps héroïque de la révolution bolchévique en Russie. Trotsky et Staline font partie des compagnons de Lénine qui s'emparent du pouvoir à Petrograd en octobre 1917. Léon Trotsky, de son vrai nom Lev Davidovich Bronstein, vient d'une famille de paysans juifs aisés d'Ukraine. Après des études brillantes, cet intellectuel s'est engagé dans le mouvement révolutionnaire contre le régime des tsars. Après le coup d'État bolchévique, c'est au charismatique Trotsky que Lénine confie la création de l'armée rouge qu'il mène à la victoire dans la guerre civile au prix d'une répression féroce. De même, Trotsky n'hésite pas en 1921 à écraser dans le sang la révolte des marins de Kronstadt. Une pratique de la terreur qu'il justifie. Au nom de la révolution, tout est bon pour venir à bout des ennemis du peuple. Ironie de l'histoire, c'est avec ces mots que Staline qualifiera bientôt Trotsky et ses amis. Lorsque Lénine meurt en 1924, tout semble désigner le flamboyant Trotsky comme son successeur. Mais dans cette lutte pour le pouvoir suprême, c'est Joseph Staline, contre toute attente, qui l'emportera. Tout oppose les deux hommes, leur personnalité d'abord. Issu du peuple, enfant battu par son père, peu éduqué, Staline, qui a commencé sa carrière de révolutionnaire en braquant des banques, est un piètre orateur, mais un fin stratège, rusé et brutal. Les deux hommes incarnent aussi deux visions de la révolution. Autant Trotsky rêve toujours d'une révolution mondiale, autant Staline, qui a pris la tête du parti, aspire au confort de son pouvoir bureaucratique. Le brillant Trotsky ne voit en Staline qu'un médiocre. Erreur de jugement, puisque ce médiocre, qui veut régner seul, va réussir à écarter Trotsky. Dès 1927, ce symbole vivant de la révolution est exclu du parti communiste du RSS. Mais cela ne suffit pas à Staline. En janvier 1928, Vyacheslav Menjinski, le chef de la GPU, apprend la nouvelle à Trotsky. En application de l'article 58 du Code pénal soviétique, la commission spéciale chargée de réprimer les activités anti-soviétiques a pris la décision de te déporter à Alma-Ata, capitale de la République autonome de Turkmène. Tu prendras le train le 16 janvier, c'est-à-dire dans 4 jours. Ta femme et tes enfants pourront t'accompagner. Tu pourras emporter tes livres et tes documents. Je proteste officiellement contre une mesure aussi grave et parfaitement contraire aux principes de mon parti. Je ne suis chargé que de te communiquer cette décision et de la faire exécuter. Et quelques jours plus tard... Je refuse d'ouvrir la porte. La GPU se présente au petit matin au domicile de Trotsky. Je refuse de partir. Je refuse même de m'habiller. Allez, habillez-la. Viens, va. Pour Trotsky et sa femme Natalia Sedova, commence un long exil, d'abord intérieur, qui les conduit à Alma-Ata, près de la frontière chinoise, au milieu du désert et des tempêtes de neige, à l'écart de tout moyen de communication. Staline semble enfin soulagé. Tu vois, j'ai déjà eu beaucoup de satisfaction dans ma vie, mais aucune n'égale celle-là. Ce juif orgueilleux a dû enfin plier les chines. En voilà débarrassé. Mais sa tranquillité est de courte durée. Persuadé que l'ancien chef de l'armée rouge fomente un complot contre lui, Staline, en 1929, le fait expulser d'Union soviétique et l'exile en Turquie, où il va rester 4 ans. Trotsky l'ignore encore, il ne reviendra jamais dans son pays. Gérard Rosenthal, un de ses fidèles amis, a vécu avec lui dans sa villa délabrée sur l'île de Principe, près d'Istanbul. Il vivait très modestement avec sa femme, Natalia Sedov. La journée commençait très tôt le matin. Nous partions à la pêche. Nous disposions des filets dans les flots bleus de la mer de Marmara. Et Léon Trotsky me disait, « Camarade Gérard, si vous ne bombardez pas plus énergiquement la bourgeoisie, elle a encore de beaux jours devant elle. » Une image bucolique qui cache une réalité moins tranquille. Le GPU ne quitte pas Trotsky des yeux, malgré la cohorte de gardes du corps qui se relaie jour et nuit sur l'île de Principe. Mais parmi les jeunes trotskistes qui viennent du monde entier se mettre au service de leur maître, le « vieux », comme ils l'appellent avec déférence, se cachent parfois des agents soviétiques infiltrés. Trotsky sait qu'il est surveillé, mais au Kremlin, le tsar rouge n'envisage pas encore de tuer son opposant. Pas encore. En 1933, Trotsky et sa femme sont autorisés à s'installer en France. Mais le gouvernement français, qui tient à ménager ses relations avec l'URSS, finira par l'expulser en 1935. Entre-temps, à Barbizon, près de Fontainebleau, la maison du fameux révolutionnaire russe est l'objet de toutes les curiosités. Des messagers mystérieux sortent souvent de la villa Kermonik et semblent toujours avoir peur d'être épiés. Deux énormes molosses gardent nuit et jour cette maison habitée depuis plusieurs mois par un locataire mystérieux, Monsieur Sodra. Ce Monsieur Sodra n'est autre que Trotsky. Il ne sort jamais et ne communique avec l'extérieur que par des messagers, comme ce motocycliste apportant le courrier de l'ancien chef bolchevique qui a déclaré s'être réfugié à Barbizon pour échapper à la vengeance de ses adversaires. En France, en réalité, Trotsky est loin d'être à l'abri. Les espions soviétiques pullulent à Paris. Depuis les années 20, ils pourchassent et assassinent sans vergogne les Russes blancs exilés. Mais depuis 1930, sur ordre de Staline, les trotskistes sont désormais leur cible prioritaire. Le trotskisme, ou l'hitléro-trotskisme, est devenu le pire des crimes. À Moscou, Staline appelle les députés à l'élimination de tous ses adversaires. Vous pouvez compter sur le fait que le camarade Staline pourra accomplir son devoir devant le peuple. Que les députés soient envers les ennemis du peuple, des combattants intrépides, impitoyables, comme l'était Lénine. La folie paranoïaque de Staline est à son comble en 1936-1938, lors des procès de Moscou. Une parodie de justice où des centaines de ses rivaux, accusés de crimes imaginaires, sont condamnés à mort ou au goulag. Trotsky, condamné à mort par contumace, prend la parole depuis son exil pour révéler au monde ce que sont vraiment ses procès. His trials developed not from communism, ses procès ne résultent pas du communisme ni du socialisme, mais du stalinisme. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Cela vient du despotisme irresponsable et bureaucratique de ces gens. That is now my principal task. Voilà maintenant ma tâche. Révéler la vérité, montrer et démontrer que de vrais criminels se cachent derrière les accusateurs. Mais plus personne n'écoute Trotsky. Ce que ne semble pas comprendre Staline, qui ordonne au NKVD, le nouveau nom de la GPU, de le liquider. Gérard Rosenthal se souvient d'une conférence donnée à l'époque par Trotsky. J'étais sous la couverture posé sur le tréteau derrière lequel parlait Trotsky, le pistolet à la main, je surveillais la foule dont on pouvait craindre des manifestations. La menace est bien réelle aussi sur l'entourage de Trotsky. Son fils, Lev Sedov, meurt à Paris en 1938 dans des circonstances obscures. Hospitalisé pour une crise d'appendicite dans une clinique privée, il meurt quelques jours plus tard dans des douleurs atroces, sans doute empoisonné par le NKVD. La même année, un collaborateur de Trotsky, Rudolf Clement, disparaît un jour de son domicile parisien. Un mois plus tard, des restes humains contenus dans des sacs, mais sans tête, sont repêchés dans la Seine et identifiés comme étant la dépouille de Clement. La réussite de ces affaires « humides », comme on dit avec poésie ou NKVD, vaudra à leurs auteurs d'être décorés à leur retour à Moscou. En 1975, Gérard Rosenthal, invité dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, évoque le danger permanent dans lequel vivait à l'époque Trotsky. Vous savez comment ont été gourdis les assassinats contre nos camarades, les coups de téléphone nocturnes, les chocolats à la strychnine, les tueurs élégants qu'on place dans la couche des vieilles filles indécises, les cadavres dépecés qu'on retrouve dans la Seine et dont la tête ne sera jamais retrouvée. Nous avons vécu au milieu de tout ça et vraiment nous étions chaque fois dépassés par l'événement. Je dois dire que la témérité et la cruauté du coup nous laissaient toujours surpris. Et nous avons su que quand ils préparaient un guet-apens, il y avait toujours deux ou trois guet-apens de rechange. Le NKVD réussit aussi à infiltrer le mouvement, pourtant de plus en plus clairsemé et affaibli, et pour cause. Un soir de septembre 1938, 21 délégués se réunissent dans un discret et modeste pavillon en région parisienne et fondent, au nom de Trotsky, la 4e internationale. Non seulement les militants réunis ce soir-là sont peu nombreux, mais parmi eux, à leur insu, s'est glissé un intrus sous un faux nom qui, mine de rien, ouvre grand les yeux et les oreilles. Un faux trotskiste et vrai agent de Staline, un certain Ramon Mercader. C'est en 1937, pendant la guerre d'Espagne, que ce jeune Catalan s'est mis corps et âme au service de Staline. Ramon Mercader est né en 1913 à Barcelone, le deuxième de six frères et sœurs. Son père est un bourgeois conservateur et tranquille. Sa mère, Carida del Rio, issue de l'aristocratie cubaine, est tout sauf tranquille. Personnalité fantasque et séductrice, à la fois fragile et autoritaire, elle exerce un grand ascendant sur son fils. C'est elle qui, un jour, poussera Ramon, toujours obéissant, à devenir le tueur de Trotsky. En 1925, quand Ramon a 12 ans, sa mère fuit le domicile conjugal pour la France en embarquant les enfants. Commence une vie chaotique où Caridad, exerçant divers métiers, finit par s'installer à Paris. C'est là, sans doute entraîné par des agents soviétiques, que cet ex-pensionnaire d'un couvent de carmélites se convertit avec passion au communisme. De son côté, Ramon, qui a pris des cours à l'école hôtelière, rentre en Espagne et devient garçon de course à l'hôtel Ritz de Barcelone. Beau garçon, athlétique, élégant, polyglotte comme sa mère, Ramon présente bien et plaît aux femmes. Des atouts dont le futur espion saura user en temps voulu. Toujours sous l'influence de sa mère, Ramon Mercader, au début des années 30, s'engage dans les jeunesses communistes de Catalogne, un mouvement alors interdit par le pouvoir. Le 12 juin 1935, à Barcelone, alors que sa cellule est réunie dans l'arrière-salle d'un bar, Ramon et ses 17 camarades sont arrêtés lors d'une descente de police. Bien des années plus tard, cette mésaventure aura des conséquences inattendues. C'est le casier judiciaire de Ramon Mercader, constitué à Barcelone après cette arrestation, qui permettra à la police mexicaine en 1953 d'identifier enfin le meurtrier de Léon Trotsky. Mais on n'en est pas encore là. Détenu à la prison San Miguel de los Reyes à Valence, Ramon Mercader se morfond dans sa cellule lorsque soudain, en février 1936, survient à l'extérieur un événement extraordinaire. Les grilleurs de journaux se précipitent dans les rues. Le monde apprend une grande nouvelle. Les partis de gauche ont gagné 157 sièges et ils disposent d'une imposante majorité au Parlement des Cortés. À Madrid, dans toute l'Espagne, le peuple fête sa victoire, la victoire de la démocratie. L'amnistie libère 30 000 prisonniers politiques. Bénéficiant de cette amnistie, Ramon, enfin libre, peut fêter au grand jour la victoire du Front populaire. À Barcelone, il retrouve sa mère, qui a été expulsée de France et qui, comme lui, milite au Parti communiste catalan. Au printemps 1936, la mère et le fils participent tous deux à l'organisation à Barcelone de l'Olympiade populaire, une compétition sportive censée concurrencer les JO d'Hitler à Berlin. Mais en juillet, l'irruption de la guerre met fin à la fête. Cet été brûlant, commencé dans la liesse populaire autour de l'Argo Caballero, sera bientôt celui des moissons sanglantes. Les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. La guerre civile est commencée, opposant bras tendus et poings levés. La guerre civile espagnole sera le grand tournant dans la vie de Ramon Mercader. En octobre 1936, il part sur le front dans les rangs républicains. Mais l'année suivante, son combat prendra une toute autre tournure quand le soldat se transformera en agent du NKVD. Il faut rappeler que dès 1936, Staline envoie en Espagne du matériel et des conseillers militaires soviétiques. Ils sont là pour aider l'armée républicaine, mais aussi, voire surtout, pour venir à bout de la gauche non-stalinienne espagnole. Parmi ces hommes, il y a Alexandre Orloff, qui sera le liquidateur du parti PUM de Catalogne, auquel j'ai consacré un précédent podcast. Il y a également Leonid Aitigon, un vieux briscard des services secrets soviétiques, un individu assez effrayant, spécialisé dans les enlèvements et les assassinats. Dans l'important réseau d'agents qu'il met sur pied en Espagne, Leonid Aitigon, nom de code Kotov, a embauché Carida del Rio, la sulfureuse mère de Ramon Mercader. L'espion soviétique et l'ex-aristocrate ne tardent pas à devenir amants. Caridad, qui a pourtant déjà un fils aîné mort à la guerre, n'hésite pas à présenter Ramon à son amant. Et sans vergogne, c'est elle probablement qui pousse son fils à accepter la mission très spéciale, secrète et hautement dangereuse, que Aitigon lui propose. En l'acceptant, le docile Ramon Mercader encore une fois obéit à sa mère, sans se rendre compte que cette mission le conduira à une forme de gloire, mais surtout à une vie de clandestinité et à 20 années dans les geôles mexicaines. Léon Trotsky, l'ancien commissaire du peuple de l'URSS, dont le nom a été si souvent prononcé au cours du retentissant procès de Moscou, a quitté la Norvège pour le Mexique. Entre-temps, en effet, Léon Trotsky et sa femme, qui après la France étaient exilés en Norvège, ont obtenu avec difficulté l'autorisation de se rendre au Mexique, où ils débarquent le 9 janvier 1937. Au port de Tampico, les deux exilés russes sont accueillis chaleureusement par l'artiste Frida Kahlo, qui avec son mari Diego Rivera se sont battus pour leur obtenir l'asile politique. C'est à Coyoacán, près de Mexico, que le couple Trotsky va trouver un semblant de paix. Mais le vieux révolutionnaire sait parfaitement que les milliers de kilomètres qui le séparent de Moscou n'arrêteront pas la haine de Staline. Pendant ce temps, en 1937, Ramon Mercader, qui vient d'être engagé par le NKVD, part un an en URSS avec sa mère pour, tous deux, se former au métier d'espion. Entraînement technique et physique, bien sûr, mais aussi psychologique, ce qui un jour lui permettra de résister aux interrogatoires musclés de la police mexicaine. Mais dès le début de sa mission, il va exceller dans l'art du mensonge. Ramon Mercader est envoyé à Paris, où sous l'identité de Jacques Mornard, il est chargé de rencontrer, par hasard bien sûr, une jeune trotskiste américaine, Sylvia Hageloff, et de la séduire. Objectif, infiltrer le mouvement et à terme, s'introduire parmi les fidèles de Trotsky à Mexico. Immédiatement sous le charme, Sylvia vit le parfait amour à Paris avec son amant. Pour elle, comme pour tous ceux qu'il rencontre, Jacques Mornard est un beau et riche homme d'affaires de nationalité belge. N'oublions pas, Ramon Mercader parle très bien français. Maria Crépeau, une militante trotskiste, amie de Sylvia Hageloff, se souviendra des années plus tard de ce Jacques Mornard. Un charmant garçon parfaitement inoffensif, qui ne connaissait rien à la politique, qui ne connaissait rien à rien d'ailleurs. Et elle était enchantée d'avoir un garçon qui la sortait un peu, qui connaissait très bien les boîtes, les restaurants, et qui était fort charmant. La politique l'ennuyait, disait-il, et lorsque nous parlions politique, il sautait de la pièce. Vous n'aviez aucun soupçon, ni l'une ni l'autre? Non. À un moment donné, il lui a offert un travail. Elle devait traduire des textes concernant la psychologie, comme elle était psychologue, et elle devait lui donner à lui, et c'est lui qui se chargerait de la remettre à une agence. C'était fort bien payé. Un jour, nous nous sommes interrompus, toutes les deux, elle de traduire et moi de taper. On a éclaté de rire en disant, ce que nous faisons ne peut pas être payé aussi bien que cela, ça n'existe pas. Et nous nous sommes dit, bon, alors si ça n'existe pas, il ment. Pourquoi ment-il, ce garçon? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il espionne? Car évidemment, dans le mouvement trotskiste en ce temps-là, il y avait des agents staliniens, et on en découvrait constamment, et on le savait. Alors on s'est posé la question, est-ce un agent? Et nous nous sommes répondu, non, puisqu'il n'essaie jamais de savoir quoi que ce soit. Ça ne peut pas être ça. Et pourtant si, c'était bien ça. Pendant 2 ans, jusqu'au coup de piolet fatal, l'espion Mercader va jouer avec Sylvia Hageloff à l'amoureux transi indifférent à la politique, obéissant ainsi parfaitement aux ordres de Léonide Aitigon. Ne rien précipiter, juste tisser patiemment sa toile et attendre les ordres. Quand les deux amoureux dînent ensemble au restaurant, il arrive à Aitigon de s'installer à une table à distance en gardant un œil sur le couple. C'est en 1939 que les choses se précipitent. En mars, Joseph Staline fait venir un jour dans son bureau du Kremlin son bras droit, le terrifiant Beria, et Pavel Soudoplatov, le chef des missions spéciales du NKVD. Après avoir allumé sa pipe, Staline leur déclare « Il faut en finir avec Trotsky dans l'année. » Puis Staline donne l'ordre à Soudoplatov de mener l'action au Mexique. « Ne regardez pas la dépense. » L'assassinat de Trotsky, en effet, ne coûtera pas moins de 300 000 dollars. Et Staline ajoute « Si l'opération réussit, le parti n'oubliera jamais ceux qui y ont pris part. Et veillera non seulement sur eux, mais sur tous les membres de leur famille. » Soudoplatov, qui n'emmène pas large, comprend 5 sur 5 le sous-texte. Si vous échouez, vous perdrez votre travail, puis la vie, puis celle de votre famille. Pour cette mission hispanophone, Soudoplatov décide de recruter des agents qui ont servi en Espagne pendant la guerre civile. C'est ainsi qu'il charge Leonid Aitigon de créer les deux équipes qui interviendront au Mexique. La première, placée sous la direction d'un peintre mexicain communiste et ami de Staline, David Alfaro Siqueiros. La seconde, qui comprend Ramón Mercader, est dirigée par Caridad del Río. Si bien qu'en août 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, Caridad del Río et son fils s'embarquent pour New York, première étape avant le Mexique. Pour justifier ce départ précipité, Jacques Mornard explique à Sylvia Ageloff qu'il fuit l'Europe pour échapper à la guerre et que pour voyager, il a acheté un passeport. Mercader, alias Jacques Mornard, a désormais un deuxième faux nom, Frank Jackson. Un nom canadien, explique-t-il, mais bizarrement orthographié sans la lettre K. Les petites mains du NKVD connaissent mal l'anglais, semble-t-il. Je ne vois pas pourquoi la guerre te préoccupe à ce point. Tu es citoyen belge, Monsieur Jacques Mornard, Mr. Frank Jackson. Je ne suis pas belge, je suis canadien. Sois ce que tu veux, ça m'est égal. Tu as l'air méditerranéen pour moi, un de ces grands séducteurs bronzés. Mais c'est drôle. Pourquoi tu appelles Jackson sans la lettre K sur ton passeport ? Dans le film de Joseph Losey, L'assassinat de Trotsky, Mercader, joué par Alain Delon, répond à la question de Sylvia, Romy Schneider, par un fougueux baiser qui clôt le débat. Après quelques semaines à New York, officiellement pour chercher du travail, notre espion annonce à Sylvia qu'il a été embauché par une société d'import-export qui l'envoie à Mexico. À son arrivée en octobre, Mercader entame sa double vie. D'un côté, il retrouve secrètement sa mère et les autres membres du NKVD envoyés par Aitigon. De l'autre, il développe sa couverture de riche homme d'affaires. Comme il l'espérait, Sylvia vient le rejoindre. À Mexico, la jeune trotskiste se rend bien sûr à la villa de Coyoacán pour rencontrer le vieux, comme l'appellent ses fidèles. Mais elle y va seule. De toute façon, pour l'instant, Mercader, alias Mornard, alias Jackson, toujours apolitique, n'exprime aucun souhait de rencontrer Trotsky. D'ailleurs, la villa de Coyoacán est gardée en permanence. Jean Eijenhorst, ancien secrétaire de Trotsky, vivait à cette époque avec lui. Il y avait des amis mexicains très dévoués et tous les soirs, ils venaient pour passer la garde. Pendant la nuit, la maison avait de grands murs, et il y avait le système électrique, tout le monde était armé. Les personnes qui entraient étaient fouillées. Le gouvernement mexicain avait bâti une petite maison où il y avait 8 policiers mexicains en permanence. Pourtant, cela ne suffit pas. Le 28 mai 1940, au petit matin, la maison Trotsky est réveillée en sursaut. Un commando d'une dizaine d'hommes, muni de mitraillettes, de revolvers et de grenades, a réussi à neutraliser les gardes, à se ruer dans la maison et à ouvrir le feu sur les portes des chambres. Trotsky, Natalia, ainsi que leur petit-fils, Sieva, ont la présence d'esprit de s'allonger par terre, évitant ainsi les tirs. Par une chance incroyable, Trotsky vient d'échapper à l'attentat monté par Aitigon avec l'équipe de Siqueiros. Mais ça, on ne le saura que des années plus tard. En 1972, Alfred Siqueiros, le peintre mexicain communiste très célèbre, s'énerve quand on l'interroge sur son rôle dans l'attentat. Jamais j'ai voulu assassiner Trotsky. C'est pas, on sait parfaitement qui l'a assassiné. Celui qui a assassiné Trotsky, il était ami de Trotsky. S'il est venu ici pour le tuer ou non, ça, moi je ne sais pas. Non. Qu'est-ce que faisait Trotsky ici? Un combattant d'ici contre l'Union soviétique, c'était une folie. Et même un aspect mercenaire, parce que les Américains, c'était eux qui payaient, n'est-ce pas? Très longtemps, en effet, la thèse d'un Trotsky payé par les Yankees et d'un attentat mené par un trotskiste survivra pendant la guerre froide. En attendant, Trotsky est toujours vivant et Staline n'est pas content du tout. Il faut en finir au plus vite. Après l'attentat, la sécurité est bien sûr renforcée dans la maison, porte blindée, système d'alarme. Mais cette fois, le NKVD n'utilisera pas la force, mais la ruse. C'est là que va intervenir la deuxième équipe. Seulement 4 jours après l'attentat manqué, Ramón Mercader, alias Jackson, qui jusqu'à présent restait toujours à l'extérieur, rencontre pour la première fois le vieux bolchevique dans sa villa. Dans les semaines qui suivent, ce jeune homme, riche et charmant, toujours prêt à rendre service, devient un habitué de la maison. Sieva, le petit-fils de Trotsky, se souvient bien de Jackson. Il a suivi une tactique très habile, enfin très bien étudiée. Il tâchait de ne pas s'approcher de Léon Trotsky, mais gagner les amitiés, les alentours de la famille, faire beaucoup de services, des faveurs. Même à moi, il faisait des petits cadeaux. Il était très sympathique. Très sympathique. Le 20 août 1940, Mercader Jackson demande timidement à Trotsky s'il accepterait de lire un article qu'il vient d'écrire. L'intellectuel, qui s'ennuie sans doute dans son isolement mexicain, accepte et fait entrer Mercader dans son bureau. Grave erreur, car ils sont seuls dans la pièce. Alors que Trotsky s'assoit à sa table et commence à lire, Mercader, debout derrière lui, saisit le pic à glace qu'il avait dissimulé dans son imperméable et le plante violemment dans le crâne de Trotsky. Mais le vieux révolutionnaire ne meurt pas sur le coup. Contrairement aux prévisions du tueur qui espérait s'enfuir après son crime, Trotsky se débat, il mord son agresseur et surtout, malgré son crâne en sang, il hurle. « J'entendrai ce cri toute ma vie », dira Ramón Mercader. Alertés, Natalia et les gardes se précipitent. Mais lorsqu'ils se jettent sur Mercader, Trotsky leur crie qu'ils ne doivent pas le tuer. L'homme doit parler. À l'extérieur, une voiture démarre en trombe. Léonie d'Intigone et Caridad del Rio étaient là pour récupérer Mercader après son crime. Mais en entendant les cris dans la maison, ils préfèrent déguerpir et ils regagneront finalement l'URSS. La mère, qui vient d'abandonner son fils, ne le reverra pas de sitôt. Sieva, le petit-fils de Trotsky, découvre le drame en rentrant de l'école. Par la porte qui était entrouverte, j'ai vu le grand-père qui était dans le parquet, plein de sang, avec Nathalie, les gardes, là. Et quand le grand-père a entendu mes marches, il a indiqué aux gardes d'éloigner Sieva, mon petit-fils, il ne doit pas voir cette scène. Conduit à l'hôpital de Mexico, Trotsky meurt le lendemain. Il a le temps de murmurer à ses amis « Je suis sûr de la victoire de la 4e internationale. » Dans les quartiers populaires de Mexico, les chanteurs des rues composent alors des corridos en hommage aux révolutionnaires russes. Trotsky est mort assassiné du jour au lendemain car ils avaient prémédité tôt ou tard de se venger. C'est un piolet d'alpiniste que cet assassin a brandi, quand resté seul avec Trotsky, il l'a tué sans prendre aucun risque. C'était mardi dans la soirée, cette fatale tragédie qui secoue tout notre pays et toute notre capitale. Joseph Staline peut enfin dormir. Mais Ramon Mercader, lui, qui se prétend toujours Frank Jackson, est bien sûr arrêté et interrogé. Sa version des faits correspond à celle de la lettre retrouvée dans sa poche, dictée par le NKVD, et à celle aussi parue le lendemain dans la Pravda, le journal officiel du Kremlin. Le meurtrier est un trotskiste qui, se sentant trahi dans ses convictions, aurait tué Trotsky en légitime défense. La justice mexicaine n'en croit pas un mot. Mais Jackson ne démordra pas de sa fable, même quand il sera condamné à 20 ans de prison. Fidèle à sa foi stalinienne, l'espion soviétique ne révélera jamais sa vraie identité, ni celle de ses commanditaires. S'il l'avait fait, sans doute aurait-il été libéré plus tôt. Sa mère, Caridad del Rio, après avoir fui le Mexique pour l'Union soviétique, est reçue par Staline au Kremlin et décorée de l'ordre de Lénine. Mais s'ennuyant à mourir à Moscou, elle partira à Paris en 1945, rongée de remords. J'ai fait de mon fils un assassin. Ramon, ce fils que j'ai vu sortir un jour de la maison de Trotsky, attaché, ensanglanté, incapable de venir jusqu'à moi. Et j'ai dû fuir. Ce n'est qu'en 1953 que la véritable identité du tueur de Trotsky sera établie. Grâce aux photos et surtout aux empreintes digitales retrouvées dans le casier judiciaire d'un certain Ramon Mercader, un communiste espagnol arrêté à Barcelone en 1935. En 1960, ayant purgé sa peine, Ramon Mercader est relâché. Du Mexique, il est discrètement exfiltré en Union soviétique. Accueilli en héros, il accède au grade de général du KGB. Mais comme sa mère, Ramon Mercader ne se plaît pas en URSS et réussit à partir à Cuba, où il finira sa vie en 1978, emportant dans la tombe encore bien de ses secrets. Ramon Mercader, agent de Staline et assassin de Trotsky. Prise de son Renan Mahé, mixage Basile Bocquer, réalisation Fanny Beauhuon, assistée d'Emmanuel Fournier. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.